Merci Marie-Hélène. 19h30, c'est maintenant le magazine d'archéologie de France Culture, le Salon Noir. Louis Pasteur l'a dit, le vin est la plus saine et la plus hygiénique des boissons. En 1915, l'Académie de médecine définissait ses normes de consommation autour de 75 centilitres par repas. Et ce ne fut d'ailleurs qu'en 1954 que le vin fut réellement assimilé à l'alcool. Aujourd'hui, on le sait, un Français de plus de 15 ans boit près de 12 litres d'alcool pur par an. À défaut de lutter contre ce fléau, le Salon Noir peut en trouver les origines, la Gaule ivrogne. Pour en parler, Fanette Lobenheimer, bonjour. Bonjour. Directrice de recherche au CNRS, créatrice du musée Amphoralis de Salelles-d'Aude et descendante d'une lignée de brasseurs, vous savez tout de ces boissons fermentées et de leurs contenants. Vous venez d'ailleurs de publier « Boire en Gaule », un ouvrage édité chez CNRS Éditions. Reste à savoir quand et comment fut découvert par l'homme cette grande innovation, les produits de la fermentation, l'alcool. L'alcool est quelque chose d'important dans la mesure où très tôt les hommes se sont aperçus que l'eau, toute eau n'était pas bonne à boire et de loin. Elle apportait beaucoup de maladies et donc a été recherchée d'autres boissons. Et c'est sans doute le fait du hasard si un jour, je pense que la plus ancienne boisson alcoolisée découverte a été l'hydromel, qui s'est simplement fabriqué par le fait du hasard lorsque de l'eau de pluie est tombée dans un essaim et qu'elle a commencé à fermenter et qu'un bonhomme ou une bonne femme passant par là l'a goûté, l'a trouvé bon et n'en a pas été malade mais peut-être transporté. Il faut aller en Chine pour trouver les premiers produits fermentés ? Tout à fait. Les vestiges les plus anciens que nous connaissions, c'est dans la Chine des années 7000 à 5700 avant Jésus-Christ, où l'on trouve un mélange d'hydromel, de vin de raisin et de fruits d'aubépine et de bière de riz, mais surtout d'hydromel. Ça a été retrouvé dans quelles conditions ? En général, on retrouve des résidus, on retrouve... Ah oui, bien sûr, oui. Et là-dessus, nous avons fait de grands progrès ces dernières années en analysant les traces de résidus qui nous montrent les plantes utilisées et donc les mélanges qui ont pu être faits pour faire ces boissons très anciennes. L'hydromel serait donc une des plus vieilles boissons alcoolisées. L'hydromel parfois parfumé avec mille et un produits, dont des fleurs. Oui, dans le cas de la Chine, on parle de fleurs d'aubépine ou de fruits d'aubépine. On a toutes sortes de recettes d'hydromel à travers le temps et on y met du thym, des plantes très diverses que l'on trouve à proximité et qui parfument cet hydromel. Les plus anciennes ruches proviennent du Sinaï. Elles ont environ plus de 10 000 ans, ce qui est quand même très très ancien. La préhistoire est une société sans sucre où seules les abeilles peuvent en fournir quantité. En effet, le sucre a été absent très longtemps de nos civilisations et le miel était le seul apport de sucre que l'on connaissait. Mais ceci est vrai pour la préhistoire, mais aussi pour quasiment toute l'Antiquité, en tous les cas toute la période romaine. On sucrait systématiquement avec du miel. Absolument. Curieusement, cette boisson est assez douce et perdure et tient une place très très importante dans les sociétés protohistoriques. C'est par exemple le cas de la fameuse tombe princière de Hochdorf en Allemagne. Oui, tout à fait. C'est une tombe intéressante où un grand gaillard d'une quarantaine ou d'une cinquantaine d'années est enterré dans une tombe splendide avec un matériel magnifique et en particulier un chaudron de 500 litres dont le dépôt a montré qu'il contenait de l'hydromel. Il a fallu à peu près 300 kilos de miel pour remplir quasiment ce chaudron, le parfumer avec des fleurs d'été, dont le thym. Et ce miel était bu dans des cornes à boire très importantes, de 2,5 litres à 5 litres de contenance, ce qui prouvait que l'on buvait abondamment cet hydromel au moment de la mort ou symboliquement peut-être. Elles sont comment ces énormes cornes ? C'est les cornes de vache ? Ce sont des cornes métalliques qui sont décorées de parements d'or et d'objets décoratifs comme des bouquetins, si je me souviens bien. Mais ce ne sont pas des cornes animales. Alors, bien sûr, on a c'est un mobilier qui vient de Grèce et d'Étrurie. On a aussi peut-être même de la soie. On peut considérer que l'hydromel qui était contenu dans cet énorme chaudron était lui aussi un objet de luxe? Oui, probablement, parce qu'il est difficile de fabriquer de l'hydromel en très grande quantité. Pour réunir, par exemple, dans le cas extraordinaire de Hochdorf, 300 kilos de miel, c'est énorme. Donc je pense que l'hydromel pouvait être d'une fabrication peut-être domestique, mais régulièrement en petite quantité. Et d'ailleurs, les recettes que donne Pline l'Ancien pour sa fabrication montrent qu'il ne s'agit jamais de grandes quantités. L'hydromel ne vient pas en concurrence ni avec la bière, ni avec le vin, au point de vue volume. En général, on a plus d'hydromel ? On a moins d'hydromel. Moins d'hydromel. On a moins d'hydromel, beaucoup moins. En tout cas, une tombe de la sorte vient aussi d'être découverte en avril près de Troyes, bien sûr en France. Le prince de Lavaux a lui aussi son chaudron étrusque ou grec. À votre avis, qu'y avait-il dedans ? De l'hydromel, de la bière, du vin ? J'espère qu'il y aura des dépôts qui nous diront exactement ce qu'il y avait dans ce chaudron, à moins qu'il ne fût vide et là de façon symbolique. La première chose, c'est de regarder quels sont les objets qui sont autour du chaudron. Si ce sont des objets typiques de la façon de boire des Grecs, on va y trouver des énochoés, c'est-à-dire des cruches, des passoires, des bols. Si c'est de l'hydromel, on n'aura pas forcément besoin de cela, on trouvera peut-être des cornes. Et si c'est de la bière, encore autre chose. Qu'est-ce qu'on aurait pour la bière, par exemple ? Et pour la bière, pour une période aussi ancienne, nous n'avons pas de documents. Enfin, les documents sur la bière, ce sont les grandes jarres pour la fabriquer. Et ça n'est qu'à la période romaine que l'on s'aperçoit que l'on trouve des gobelets, des bols, sur lesquels il y a des inscriptions du genre « Hôtesse, donne-moi à boire, donne-moi de la bière » ou « Donne-moi de la bière au miel ». Et donc là, on a bien les objets qui permettent de voir dans quoi on buvait la bière. Mais ça n'est pas le cas pour l'hydromel. En général, on a systématiquement de la bière, du vin, de l'hydromel dans ces grandes tombes princières. Par exemple, à Vix, on aurait plutôt du vin. À Vix, on aurait plutôt du vin parce que les objets du service à vin sont présents. Le cratère est énorme, je crois qu'il fait au moins 500 litres. Et je ne crois pas qu'il y ait de traces de dépôts où on ne les a pas analysés à l'époque de la découverte, à l'intérieur du vase, on ne sait pas exactement. Mais le service qui accompagne le vase fait penser à un contenu qui serait du vin, et qui serait du vin offert à une princesse, à une dame de 30-35 ans. On reste assez mal foutu, pleine d'arthrose, avec un crâne un peu tordu. Mais n'empêche, c'était une princesse. On le sait, le mot hydromel est un mot grec. Connaît-on pour autant le nom gaulois de ce breuvage ? Alors le nom gaulois de ce breuvage, on le trouve sur des inscriptions, sur l'inscription d'un vase en particulier, en argent, une coupe en argent, qui effectivement a pu servir à boire de l'hydromel, qu'elle est perdue aujourd'hui. Et le mot, l'inscription est en gaulois, mais bien sûr écrit avec l'alphabet grec comme d'habitude, et le mot serait « médou », qui fait penser à miel, bien entendu. Alors ce qui est très intéressant, c'est que « médou » ne veut pas dire « qu'hydromel ».« Médou » veut dire également « ivresse et peut-être même « pouvoir ». Ce qui est assez intéressant et qui refait penser à ce qui se passe en Mésopotamie bien longtemps avant notre ère, où la bière est très très très connue et où le mot ivresse se dit qui est dans sa bière et le mot festin, bière versée. L'hydromel, c'est de l'eau et du miel. La bière est bien plus complexe puisqu'il faut faire fermenter du grain. Oui, le vin comme l'hydromel sont faciles à fabriquer en quelque sorte. L'alcool se fait immédiatement à partir du sucre du miel ou du sucre du raisin. Mais allez faire une boisson alcoolisée avec des grains. Les grains ne sont pas sucrés. Donc il y a tout ce problème qu'il a fallu inventer et observer, qui est la transformation du grain en sucre. Et l'on s'est aperçu, dès la préhistoire, que lorsque le grain germe, à ce moment-là, l'amidon du grain, grâce à des diastases, se transforme en sucre. Et l'on va griller ces grains juste après la germination pour avoir en quelque sorte des grains sucrés. Et c'est avec ce sucre des grains que l'on va pouvoir faire une boisson alcoolisée en broyant le grain, en faisant une mixture avec de l'eau, en chauffant, puis en refroidissant, en filtrant, en mettant des herbes, etc. Et qui est le premier pays à avoir découvert cette grande innovation ? Cette grande innovation, on la voit essentiellement en Mésopotamie il y a 5000 ans, où on trouve une civilisation parfaitement adaptée à la bière, avec des déesses de la bière, avec des chants pour la bière, avec des cabaretières qui sont des femmes en général, avec des habitudes de boire de la bière tous les jours et à tous les niveaux de la société. On le trouve également en Égypte peu après, vers 3500 avant Jésus-Christ, la brasserie de Hierakonpolis brasse de l'ordre de 300 litres de bière par jour. Et vers 1800 avant Jésus-Christ, la cour de Thèbes reçoit chaque jour 130 cruches de bière et la reine en dispose de 5. Vous voyez que les femmes n'étaient pas exclues. Alors j'ai même vu qu'en Mésopotamie, on la buvait au chalumeau avec une sorte de paille. Absolument, parce que cette bière n'était pas forcément filtrée. Or, lorsqu'on fait de la bière, il y a bien sûr tous les résidus du grain et les résidus de tout ce qu'on a pu mettre dedans et... en particulier des levures. Donc il faut filtrer la bière. Et si on ne la filtre pas, on la boit au chalumeau, donc de longues tiges, au bout desquelles on met un embout de bronze qui est percé de trous comme une passoire. La Chine aurait été aussi pionnière. Très tôt, on aurait inventé et l'hydromel, mais aussi la bière. Oui, la Chine a connu la bière de riz très très tôt, dès le 7e millénaire avant Jésus-Christ également. Alors ce qui est très intéressant avec la Mésopotamie du 4e millénaire, c'est par exemple entre Irak et Iran, à Göbekli Tepe, on a affaire à de véritables brasseries. Ah, tout à fait. Avec tout l'outillage, oui, tout a été retrouvé. Tout à fait, on a retrouvé les fours à griller l'orge, on a retrouvé l'alimentation en eau, on a retrouvé les grandes jarres pour faire macérer le grain avec de l'eau et pour le chauffer également. Et donc, même les pots pour distribuer la bière ensuite en quantité plus petite que dans ces grandes jarres qui font plusieurs centaines de litres. Et puis en Égypte, le coiffeur du pharaon se fait représenter avec une brasserie de bière, donc forcément ? Absolument, brasserie et boulangerie, puisque boulangerie et brasserie sont très liées. On parle de chaque fois de céréales et de pain de bière en Égypte. Et dans l'Égypte, c'est quand même la boisson nationale de très loin. Et c'est normal que dans une tombe, on montre toute une brasserie, toute l'opération de brasserie qui est menée pour le coiffeur du pharaon. Est-ce qu'il existe différentes méthodes de production de bière durant cette proto-histoire ou ces débuts de l'histoire, va-t-on dire ? Alors, l'important, c'est d'arriver à faire une fermentation. On pense que dans la préhistoire, la fermentation est spontanée. Aujourd'hui, on parlerait de fermentation haute et de fermentation basse. Mais pour cela, il faut des levures particulières. Pour les fermentations hautes, il faut une température entre 15 et 25 degrés. Et pour les fermentations, ce sera l'ale qu'on va produire, ce mot anglais qu'on connaît bien. Et pour les fermentations basses, on va travailler entre 4 et 12 degrés. La fermentation va durer 7 à 10 jours. Et les levures sont différentes de celles de la fermentation haute et l'on va obtenir ce qu'on appelle le lager. Dans l'Antiquité, on pense plutôt à une fermentation spontanée, c'est-à-dire que les levures sont présentes dans l'air, sont présentes sur les animaux, sont présentes sur les plantes et il suffit que les vases à bière soient en contact avec l'extérieur ou installés sous un toit de chaume pour que les levures naturellement tombent dans la bière et arrivent à modifier ce liquide et à provoquer la fermentation. Fanette Lobeidheimer, à défaut de houblon, comment la bière était-elle conservée durant la préhistoire, voire la protohistoire ? Alors c'est un grand problème, cette histoire de conservation de la bière, parce que la bière est difficile à conserver. On sait par Pline l'Ancien que les Espagnols savaient la conserver. On savait même, ils donnent une recette, qu'ils utilisaient la mousse de la cuvée précédente pour fertiliser avec des levures la nouvelle bière. Et Pline nous dit que les Espagnols savaient la faire vieillir, donc probablement voyager. France Culture, le Salon Noir. Vincent Charpentier. Fanette Lobenheimer, la plus vieille bière européenne, est actuellement une cerveza, donc espagnole. La plus vieille bière européenne est une cerveza espagnole, tout à fait. Le mot est antique, le mot est déjà latin. En Gaule, alors je reviens juste pour la conservation, on a trouvé des amphores à bière avec des traces de contenu. Et dans ces traces de contenu, on a trouvé une plante qui s'appelle l'armoise. Et l'armoise joue le rôle de conservateur et en même temps aide la bière à rester pure. C'est un peu le rôle qu'a le houblon aujourd'hui, le houblon n'étant été utilisé qu'à partir du 9e ou 10e siècle en Europe. En Espagne, la bière est certainement très ancienne, comme on le sait, et les Espagnols la buvaient largement dans toutes les classes de la société, puisque Polybe, déjà, nous cite un roi ibère, Polybe écrit au 2e siècle avant Jésus-Christ, un roi ibère qui boit de la bière d'orge dans des cratères d'or et d'argent. C'est dire à quel point l'auteur est stupéfait de voir que la bière et non le vin est bu dans des bols de grand choix, de grand prix. On a une datation pour cette plus vieille bière européenne, espagnole. On est au quoi? Oui. Au néolithique, à l'âge du bronze? Oui, en Espagne, les premières bières que l'on ait trouvées datent de 3800 avant Jésus-Christ, dans une grotte où l'on a trouvé des traces d'orge maltée et des traces de bière dans un grand vase. Et puis on va en retrouver à peu près un peu partout, puisque je sais que même en Irlande, on en a retrouvé dans les îles d'Aran. Tout à fait, dans les îles d'Aran, vers 3000 avant Jésus-Christ, on a une bière au miel avec de la jusquiame comme plante, la jusquiame étant hallucinogène. C'est une bière qui devait être tout à fait intéressante à boire. Posidonios d'Apamée l'a dit, les Gaulois boivent de la bière. C'est d'ailleurs dans une grotte assez particulière, la grotte des Planches dans le Jura, qu'on a trouvé les plus vieux vestiges de bière. Oui, cette grotte des Planches d'Arbois est datée entre 1400 et 800 avant Jésus-Christ. On y a trouvé des grains d'orge concassés au fond d'un vase. Et ces grains d'orge concassés ayant été germés, on suppose tout à fait qu'ils ont été utilisés pour faire de la bière. Je rappelle pour les auditeurs du Salon Noir de France Culture que nous évoquons avec Fanette Lobenheimer, directrice de recherche au CNRS et auteur de Boire en Gaule, les boissons fermentées de la préhistoire. La bière est-elle l'alcool du pauvre ou tout au contraire liée à quelques festins ou banquets? On a pu dire que la bière était la boisson des pauvres, ce qui est parfaitement faux et parfaitement vrai. C'est-à-dire que la bière était de fabrication domestique, ce qui n'a pas laissé de traces, et que chaque famille pouvait en faire. La Gaule était très riche en céréales, tout le monde en pouvait en disposer. On se souvient que les Gaulois ont inventé la moissonneuse, ça n'est pas pour rien. En revanche, des textes, en particulier celui de Posidonios vers la fin du 2e siècle avant Jésus-Christ, nous parlent de ces fameux banquets des Gaulois et signalent que ce que l'on boit chez les riches, c'est du vin, apporté d'Italie ou de Marseille, on le boit pur. On pourra revenir sur « on le boit pur ». Dans les classes inférieures, c'est une préparation faite de décoction d'orge, qu'il appelle zutos, du mot que l'on emploie en Égypte pour nommer la bière, mais les latins n'ont même pas de mot pour nommer la bière tellement la bière leur est étrangère. Et donc cette décoction d'orge, elle est faite avec du miel et la plupart des gens la consomment pure. Donc il y a une sorte de gradation dans ces festins. Visiblement, au début du moment où arrive le vin en Gaule, il n'est consommé que par les grands chefs, ceux qui ont les moyens de s'en procurer. On sait que la Gaule est un peuple de guerre et de bruit, disait Camille Julien. Un peuple aussi de bière, on boit beaucoup de bière? On boit certainement beaucoup de bière, mais on n'est pas plus ivrogne. Pour faire les guerres, bien sûr. Pas plus ivrogne qu'ailleurs. Simplement, nos ancêtres les Gaulois n'écrivant pas, on n'a pas de témoignage direct d'eux-mêmes sur leur façon de boire de la bière et leur façon de la fabriquer. Nous n'avons qu'un regard qui vient d'auteurs latins et grecs. Extérieurs. Étrangers à la civilisation de la bière et qui voient ça très souvent comme une boisson dégoûtante. et que l'on boit pur, ce qui les scandalise, puisque le vin se boit toujours coupé d'eau dans les civilisations romaines et grecques. En tout cas, Fanny de Menheim, la bière ne sera désacralisée que fort tard et avec la chrétienté. Avec la chrétienté, en effet, vient le moment de la communion, de la scène, qui se fait avec du vin et non pas avec de la bière pour commémorer la mort du Christ. Or, ce vin, à cette époque-là, dans la fin de l'Antiquité, est importé de Gaza, de Palestine, et c'est donc du vin qui a aussi cette particularité de venir du pays du Christ. Il est donc encore plus sacré. Et à ce moment-là, la bière est certainement défavorisée par rapport au vin. Elle n'a plus son rôle de premier plan au niveau religieux, en tous les cas. Mais il n'empêche qu'elle a certainement été continuée, on a certainement continué à la fabriquer et à la boire, ne serait-ce que si l'on regarde un peu plus tard les monastères qui, eux, ont leur brasserie et s'hydratent à la bière, si j'ose dire. Est-ce que l'arrivée du vin en Gaule bouscule réellement les habitudes des Gaulois ? Non, pas vraiment. Le vin arrive comme une boisson exotique. Le vin n'est pas fabriqué en Gaule pendant très longtemps, alors qu'on fabrique de la bière. Il arrive avec les commerçants marseillais. C'est du vin grec, c'est du vin étrusque, puis c'est du vin de Marseille. Nous sommes au VIe siècle avant Jésus-Christ. Et ce vin arrive comme quelque chose de stupéfiant pour les Gaulois. D'abord, il est rouge, il a la couleur du sang. Ensuite, il vous transporte rapidement. C'est un vin épais, lourd, différent de celui qu'on connaît aujourd'hui. C'est pour ça que les Latins et les Grecs le buvaient coupé d'eau. Mais les Gaulois le boivent franchement pur, comme ils avaient l'habitude de boire la bière, ce qui choque beaucoup les auteurs anciens. Denis d'Halicarnasse décrit même la première impression du Gaulois buvant du vin. La première impression fut bonne. Mais c'est assez drôle parce que Denis d'Halicarnasse dit aussi que les Gaulois, en guise de vin, utilisent une liqueur nauséabonde, faite à partir d'orge ayant pourri dans l'eau. Et donc, c'est tout à fait bizarre pour lui, avec son regard d'étranger. Mais il y a une vraie frontière, de fait, entre la bière et le vin. Il y a une frontière culturelle énorme, énorme. Et qui n'est pas forcément méditerranéenne, puisque toute l'Espagne est un pays de bière. Mais l'Italie, pas du tout. Pourtant, les Gaulois envahirent l'Italie au IVe siècle, bien sûr avant notre ère, et peut-être pour une affaire de vin ? Peut-être pour une affaire de vin, car un certain Arin s'était venu chez eux se réfugier suite à une scène de ménage ou quelque chose du genre, et il avait mis dans ses bagages, en quittant l'Italie, du vin et de l'huile. Il a fait goûter ses produits aux Gaulois qui l'accueillaient, et les Gaulois ont trouvé ça excellent. Le brave Arin s'était stupéfait parce qu'il découvrait la bière pour la première fois, et la cuisine au lard aussi, ce qui lui paraissait très bizarre. Mais les Gaulois ont apprécié énormément ces nouveaux produits, en particulier ces nouvelles boissons, et ont demandé à Arin où s'en procurer. Et Arin les a dirigés vers l'Étrurie, naturellement. Avec un petit air de dire « je vais me venger ». Platon l'a dit, les Gaulois sont tous des ivrognes. Cette boisson est liée aux élites, à des occasions particulières où nous sommes là devant un véritable objet ostentatoire de pouvoir. Alors d'une part, quand Platon dit que les Gaulois sont des ivrognes, c'est toujours cette idée qui vient des pays de la Grèce notamment ou de l'Italie, parce qu'ils boivent leur boisson pure. Ils ne sont pas plus ivrognes que les autres. Je pense que là, il faut absolument faire la différence. Les textes que nous avons, et notamment de Posidonios, nous montrent qu'ils buvaient essentiellement dans des grands banquets, je dirais, électoraux, où le chef gaulois va réunir toute sa clientèle, va faire tout un espace clos pour un banquet, on va offrir à boire et à manger pendant des jours et des jours, on va manger beaucoup de viande, et on va boire du vin pour les plus privilégiés, et largement de la bière, puisque dans ces banquets, on voit arriver des quantités incroyables de froment, par exemple, c'est pas pour rien, c'est pour faire de la bière, et on voit arriver aussi des amphores vinaires, naturellement. Je vous demandais, le vin, objet ostentatoire, mais c'est aussi un objet sacral. C'est aussi un objet sacral, d'abord par sa couleur, ensuite par la façon dont il vous transporte. Et ce vin va être retrouvé, on l'a vu déjà dans la proto-histoire dans les tombes, mais cela va durer pendant toute la période pré-romaine. On va enterrer les grands de ce monde au IIe siècle avant Jésus-Christ avec des amphores à vin venant d'Italie que l'on va mettre dans la tombe. On ne sait pas si elles étaient pleines, en tous les cas on les a retrouvées vides et non bouchées, et si elles étaient là vraiment pleines de vin ou simplement de façon symbolique. Comme le champagne, Fanette Lobeilhammer, on sabre aussi les amphores lors de banquets ? Tout à fait, on a trouvé des traces de banquets, notamment à Lyon ou à Clermont-Ferrand. Autour de l'espace du banquet, dans des fossés, on a retrouvé des amphores. Alors imaginez les amphores telles que tout à fait classiques, avec un long col et deux longues anses et un fond pointu. Et ces amphores étaient sabrées au niveau du col, c'est-à-dire qu'on perdait une partie du vin qui était dans le col et l'on servait le vin à partir de la panse de l'amphore. On peut penser aussi que l'amphore ressemble à la silhouette un peu d'un homme et que, d'une certaine façon, on lui coupait la tête avant de boire son contenu. On dit aussi que on échangeait une amphore contre un esclave. Tout à fait, c'est dit dans les textes, une amphore contre un esclave, ce qui prouve que le vin, on est toujours dans le deuxième siècle avant Jésus-Christ, que le vin était fort cher, et ce qui montre aussi que le commerce du vin qui vient d'Italie à ce moment-là se fait essentiellement pour un échange d'esclaves et de métaux. C'est Marseille, bien sûr, qui produira la première du vin en France. Elle en exporte même dès 525 avant notre ère. Le vin et les vins, devrait-on dire, sont variés. Par exemple, le Picatum. Oui, le Picatum, on a tout à fait envie de dire, là on est dans les vins gaulois, au moment où la Gaule se met à produire du vin en grande quantité, essentiellement dans le Midi d'abord, ce qu'on appelle la Narbonnaise, puis dans tout le pays. Et une partie de ce vin s'appelle Picatum, on le sait par les textes anciens, et on le sait parce qu'on l'a lu sur les amphores gauloises. Et ce Picatum ne veut pas dire piquette, mais vient du mot pix, résine, c'est-à-dire que c'est un vin dans lequel on va mettre de la poudre de résine, pour lui donner un goût favorable, on peut penser aux raisinés grecs d'aujourd'hui. Avec la conquête romaine, la Gaule devient viticole, avec de nouveaux cépages résistants au froid, par exemple. Tout à fait. Les textes sont nombreux pour montrer à quel point les anciens Gaulois sont devenus capables de cultiver la vigne très bien, en la faisant résister au froid, en l'orientant contre le vent, en apprenant à la tailler, en plantant des cépages nouveaux comme l'Allobrogica, dont le raisin mûrit à la gelée, donc juste avant d'être gelé, ou d'autres qui passent la fleur en un jour, ou bien encore la Biturica dans la région de Bordeaux ou de Bourges qu'on recommande de planter pour sa fécondité. Donc il y a toutes sortes de cépages qui sont typiquement gaulois. Et puis il y a eu des reconstitutions, j'ai goûté du vin romain et je ne sais pas si vous êtes de mon avis, mais moi je n'ai pas trouvé ça très très bon. Il faut dire que nos goûts ont énormément changé, que la fabrication du vin à la romaine se fait souvent avec de l'eau de mer pour le conserver, souvent avec du plâtre, souvent avec de la racine d'iris et d'autres plantes encore. Le goût a complètement changé et il est tout à fait normal que nous ne trouvions pas ce vin d'imitation à notre palais aujourd'hui agréable. En Gaule et surtout en Narbonnaise, des ateliers de potiers produisent en masse des amphores, les fameuses gauloises G4 que vous avez traquées de par le monde, preuve d'un commerce extrêmement lointain. Oui, la Gaule a produit plusieurs types d'amphores, mais il y en a un qui dépasse tous les autres, c'est l'amphore gauloise 4, effectivement, une amphore à fond plat et bien pensue, qui contient à peu près 30 litres de vin, qui va être produit dans plus d'une centaine d'ateliers dans la Gaule narbonnaise, c'est-à-dire la Gaule du Midi, et elle va être exportée très largement, d'abord sur les camps de l'armée, à la frontière allemande, à la frontière du germanique et en Angleterre, puis très très largement en Italie, à Rome, à Naples, et ensuite on va la suivre tout au long de la Méditerranée, jusqu'à la Méditerranée orientale et au-delà, dans le golfe Persique et jusqu'au sud de l'Inde. Fanette Lobeilhammer, merci beaucoup. À découvrir donc votre livre « Boire en Gaule » paru chez CNRS Édition. Le Salon Noir a été réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Pierre Mine, attaché